J'ai jamais voulu avoir les mains dans la merde. Les miennes sont faites pour l'or et j'emmerde tous ceux qui me croient pas plus malin que Tony ou Perama Farid. Moi je te le dis, je finirai avec l'empire d'Al-Walid. Jamais dos à la porte au bistrot, à moitié parano dans la rue. Je guette de tous les techos. Si tu veux me baiser, sache que j'ai même un œil dans le dos. Moi et mon ro, on vise toujours haut, toujours prêt à s'investir dans tous les coups. Du moment qu'on peut se faire des sous, du moment qu'on peut partir, c'est pour ça que le jour où il m'a dit ça y est, j'ai le coup qui fera nettoyer la roue. J'ai dit ok, vas-y, c'est où sur la route. Il me dit que ça fait des mois qu'il est sur le dos d'un gérant de casino, pété thune, mais parano. Le mec a aucune confiance dans les fourgons blindés, trouve ça trop grillé, préfère faire lui-même en banalisé. Donc il opère en merco, accompagné d'un seul guignolo et d'au moins 200 000 euros. Ils seront sûrement armés, mais t'inquiète, de ce côté aussi, j'ai assuré. Ça y est, on y est. Ils se mettent devant leur caisse, les obligeant à s'arrêter. C'est parti en 2-2, les gars sont par terre, allongés, désarmés, attachés sans un coup de tiré. Mais ce que mon gars avait pas tilté, c'est qu'une autre caisse les suivait. Et avant même que j'ai capté, j'ai vu mon pote s'écrouler, j'ai tiré. Y'en a un qui est tombé, deux autres ont riposté. J'ai sauté dans la caisse qui était à côté, j'ai réussi à m'arracher, mais mon pote lui est resté, lâchant que ça va pas. J'ai plein de sang sur moi, ça devait être mon dernier coup, ça restera le pire de mes coups. Je suis un cavale, dans l'épaule une balle, où je vais j'en sais que dalle, putain, 22 piges, j'en suis hal. Je me retrouve seul encore ce soir, ça pue l'ennui et le cafard. Les embrouilles d'hier n'étaient pas loin d'être meurtrières, rien que pour des conneries, ça caillasse. Écoute-moi, putain, je dis ça, c'est pas pour l'as. Une vie du bois, je m'en fous, je préfère ça à la vie de palace. Mais je pensais que lui, il se rangerait avec l'âge. Depuis, c'est comme un compte à rebours qui s'est enclenché. Le jour où lui et moi, on s'est rencontrés, je reproche pas la vie qu'il a. Résultat d'une adolescence qui dérapa, je suis pas là pour juger tout ça, mais que fait-il encore? Où est-il? Pourquoi il rentre pas? Nous, on parle de tout. Mes sujets, c'est tabou. Je l'aime, je veux du bien. Mais lui, il s'affaire à faire comme si de rien, des années sur le bitume. Dis pas qu'il a pas le recul sur son vécu, qu'il sait pas qu'il y a pas que dans les films qu'on s'était bu. J'en veux à la terre entière, son business prolifique. J'suis toujours aux aguets quand je vois les flics. Moi, je veux pas Jean-Hard Zidane, je veux une vie calme. Mais toi, tu t'acharnes à brasser tous ces drames. J'ai pas dans quoi il trempe, moi. Je veux pas le savoir, j'ai des crampes à l'estomac quand il me raconte ses histoires. J'ai peur du coup de trop. Est-ce que je dois m'en mêler, c'est crimpé? Moi, j'ai peur que ça descende au stopo. Franchir les limites dans sa quête d'argent, c'est ce qui me met en panique. Depuis plus de 3 ans, il est trop dans son truc. Il m'entend plus parler, il a beau me rassurer. En vrai, il me fait pleurer. Moi, j'en ai marre, ce soir, je me barre. Je te laisse dans la merde. Parce que c'est vrai que même s'il y a de l'or, c'est tout ce que tu me ramènes. Parce que t'es sous moi, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est toi et toi. C'est le malin qui quitte tes pas. Y'a plus qu'une personne que je peux aller voir, la seule avec qui j'ai encore de l'espoir. Ouais chérie, ça a foiré ce soir, mais ça je pense que toi, ça fait longtemps que t'as pu le voir. Désolé, j'ai merdé, mais si ça avait marché, on aurait enfin pu se barrer. Excuse-moi, mais je l'ai fait aussi pour toi. Tu vas pas me croire, je crois pas, mais c'est décidé. Dès que tout ça sera terminé, je vais pouvoir me ranger. Putain, t'es en sang, je peux pas le croire, c'est pas vrai. T'as trop le pouvoir pour te mettre dans les histoires qui foirent, tu comptes sur moi. Mais tu penses pas à moi, c'est parce que tu m'as promis le premier soir où tu m'as emmené au cinéma. Je comptais partir, mais tu m'aides dos au mur face à ce délire. Je suis pas vraiment sûr d'être mûr, sois-en sûr, je te lâcherai pas. Mais me dis pas que tu tranches, gars, je te crois pas. Comme le jour où tu m'as dit je t'aime, je suis un gars droit. Je te jure, chérie, je t'ai pas toujours tout dit. Mais je te jure aussi que je t'ai jamais menti. C'est juste que mon droit chemin à moi se met d'embûches. Et c'est vrai que trop souvent je trébuche. Mais crois-moi, ce coup-là, aide-moi, j'ai besoin de toi. Après, je te jure, ce sera plus que toi et moi. Sans histoire, tu vois. Ce sera plus que toi et moi. Sans histoire, tu vois. Ce soir-là, j'ai eu envie de lui faire confiance, pas vraiment envie de le laisser tout seul face à sa déchéance. Trop malheureux d'avoir perdu son frère, trop malheureux d'avoir percuté la barrière. Mais le lendemain, c'est toute une horde de gueufs qui éclate la porte. J'ai promis, j'irai voir en zonzon jusqu'à ce qu'il sorte. Mais 20 piges en fait, c'est trop long. Je vais faire ma route, putain, je te demande pardon. Voyou des paves, voyou des tests, quand la rue t'enclave, quand la vie t'agresse. Habitué des poucaves, habité par la haisse. Quand le monde t'encourage à devenir le best. Évoluer dans un monde où tout le monde te teste. Engrainé dans une ronde où beaucoup te détestent. Pas envie d'être en reste, car ce système t'oppresse. À devenir des gens droits qui passeront à la caisse. En quête de richesse et de liasse, on se lasse et se laisse prendre par cette ivresse. Mais les lois t'achèvent et te rabaissent, comme pour rappeler que c'est eux qui tiennent la laisse.